L'original de la bande, épisode 3, de Gladiator à Robin des Bois. Oh, tu aimes ça, la musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Mais vous êtes un original. Je préfère original à anormal. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'original de la bande, le podcast qui vous fera entendre raison sur des musiques de films rares, mal considérées et parfois même détestées. Je suis Alexis, votre serviteur à toute heure, que vous écoutiez cet épisode de jour comme de nuit. Fini l'espace et place à la forêt de Sherwood avec Le Robin des Bois by Sir Ridley Scott, sorti en 2010. Je vais revenir dans cet épisode sur cette version qui n'est pas forcément la plus appréciée des nombreuses adaptations du célèbre personnage, mais qui mérite qu'on y rejette un coup d'œil, mais également un coup d'oreille avec tout de suite le morceau d'ouverture du film. Destiny et Creatures, qui nous introduisent donc à la vision quelque peu décriée de Ridley Scott du mythe de Robin des Bois. Après le renard animé de Disney, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner et Carrie Elwes chez Mel Brooks, ce fut au tour de Russell Crowe d'endosser la légende, également producteur sur le film, aux côtés de Ridley Scott qu'il retrouve depuis Gladiator. Mais il ne faut pas oublier le reste du casting 5 étoiles avec aujourd'hui les indispensables Oscar Isaac et Léa Seydoux, qui commençaient encore à se faire un nom à Hollywood, mais également William Hurt, Hayley Atkins, Max von Sydow, Danny Huston pour un rôle de quelques minutes, mais celui de Richard Cœur de Lion, Mark Strong surexploité à l'époque et que l'on a un peu oublié depuis, et surtout Cate Blanchett en une Lady Marianne avec du caractère forte et volontaire. Mais c'est aussi un film qui permet à Ridley Scott de prolonger sa passion et son savoir-faire dans la mise en scène d'un long métrage épique dans sa carrière, à l'instar de l'envolée à suivre du prochain morceau Fate Has Smiled Upon Us. Thank you. Mais qui est donc le compositeur derrière tout cela, me direz-vous? Eh bien, il s'agit de Mark Streitenfeld. Si vous connaissez un peu l'univers de Ridley Scott, ce nom devrait vous dire quelque chose, car Streitenfeld est un collaborateur de longue date. En plus de Robin des Bois, le compositeur allemand a signé pour le cinéaste anglais les bandes originales d'Une Grande Année, American Gangster, Mensonge d'État et Prometheus. Si Hans Zimmer reste encore aujourd'hui celui qui a le plus de BO de Ridley Scott à son actif, Mark Streitenfeld a également travaillé sur bon nombre d'autres films de Ridley. On compte notamment Kingdom of Heaven, Les Associés, Hannibal, La Chute du Faucon Noir et Gladiator. En ce qui me concerne, je voulais justement mettre en avant son travail sur Robin des Bois, car cela fait partie du meilleur de ce qu'a pu produire ce disciple de Zimmer, dont le début de compositeur remonte jusqu'au rock de Michael Bay et au USS Alabama ou aux fans d'un autre Scott, le regretté Tony. C'était Pact Sworn in Blood, ce serment scellé dans le sang qui va lier l'archer Robin Longstride au chevalier Sir Robert Locksley de rapporter son épée auprès de son père à Nottingham. Avant de sortir en mai 2010, le projet aura subi de nombreuses réécritures au fil de sa conception. Lorsque la Universal et la société Imagine Entertainment achètent en 2007 le scénario d'Eden Rife et de Cyrus Voris, les rôles sont inversés où le shérif de Nottingham est le bon et Robin des Bois le méchant. Pourquoi pas, sachant que la légende a varié plus d'une fois selon les ballades ou les poèmes datant du XIVe siècle, Robin Hood pouvant être mieux traduit en français par Robin la capuche voire le truand pour Hood, ou du jeu de mots tiré de Robbing the Hood, c'est-à-dire voler le voisinage. Une fois Ridley Scott embarqué, il engagea Brian Helgeland pour réécrire le scénario, qui avait signé plutôt ceux de Man on Fire et de l'attaque du métro 123 pour son frère Tony. Titré encore Nottingham, le film adoptait clairement le point de vue du fameux shérif. Mais avec la grève des scénaristes de 2008, le tournage fut retardé et l'histoire de nouveau triturée pour adopter cette mode des origines au réalisme âpre recherché par Hollywood suite au succès de Batman Begins ou de Casino Royale qui avaient relancé leurs franchises respectives. We'll be right back. Planting the Fields est sans doute le thème le plus enjoué de Mark Stratenfeld pour la bande originale de Robin des Bois, film qui, malgré le fait d'avoir cédé aux desiderata d'Hollywood, a toute sa place dans la filmographie de Ridley Scott. En effet, il est plus qu'évident que son Robin des Bois est une suite directe à Kingdom of Heaven, que lorsque le film de 2005 se clôture avec Richard Cœur de Lion partant pour les croisades, celui de 2010 commence avec son retour catastrophique de Terre Sainte. Plus globalement, Robin des Bois partage aussi de nombreuses thématiques avec Gladiator ou Exodus, quand un héros providentiel et vertueux devient malgré lui le symbole d'une révolte contre un système tyrannique qui est dirigé par une sorte de double inversé, un frère machiavélique. Je ne peux d'ailleurs que vous recommander la lecture de Tony Ridley Scott, Frère d'armes, de Marc Moquin, édité chez Playlist Society pour prolonger cette réflexion de ce qu'il y a de commun dans le cinéma des frères Scott. Clin d'œil inconscient ou non de Ridley Scott à Stanley Kubrick, encore lui, avec cette reprise de Woman of Ireland que l'on retrouve notamment dans Barry Lyndon. Je me souviens qu'à sa sortie en 2010, le principal grief des critiques hostiles au Robin des Bois de Ridley Scott était au sujet de son authenticité historique. Si la mort de Richard Cœur de Lion au château de Chalut convenait, le débarquement des Français au dernier acte semblait plus problématique pour les critiques devenus historiens. Certes, Ridley Scott aime l'histoire et aime voyager entre les époques. Mais contrairement à un type comme Kubrick, qui passera des années de recherche obsédantes pour être conforme à la véracité historique, Scott préfère simplement faire un film. Jamais avec 1492, Gladiator ou Kingdom of Heaven, le cinéaste anglais n'a clamé accomplir la vision la plus authentique des récits qu'il transpose sur le grand écran. Ces films historiques foisonnent d'anachronismes. Et si son Robin des Bois s'affiche plus ancré dans la réalité de son époque, il n'en reste pas moins qu'un film sur un personnage de fiction à apprécier pour ce qu'il est. En dernier conseil, avant de vous laisser avec la musique de cette séquence de débarquement final, si vous comptez redécouvrir Robin des Bois dans sa version longue, celle-ci n'apporte pas grand-chose en fin de compte, contrairement à celle de Kingdom of Heaven.